Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h à 19h sur Radio Guémozo 107 FM. Et l'édition de ce soir va parler d'écologie et de nucléaire, bien entendu. Donc, amis de la planète, amis de l'environnement, cette émission est faite pour vous. Vu que ce soir, je reçois Jean-Luc Tonnerieux pour Vosges Nature Environnement. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Lou. Alors Jean-Luc, tu es là ce soir, surtout pour deux événements assez imminents qui ont lieu le 14 et le 16 juin. C'est pas vraiment pour les mêmes... Comment dire, la trame principale est la même, mais c'est pas tout à fait pour les mêmes événements, mais on va y revenir. Mais avant toute chose, je sais pas si c'est la première fois que tu viens à Radio Guémozo. Non, c'est pas la première fois. Ah, en effet. Ben bon, écoute, c'est une première avec moi. Ouais. Mais dis-moi, toi, vu que moi c'est une première fois, peut-être qu'on se reverra à d'autres occasions, mais est-ce que tu peux brièvement te présenter pour qu'on te situe un petit peu dans ton contexte et dans le contexte de l'émission ? Donc effectivement, là tu as parlé de Vosges Nature Environnement, mais je suis sur les actions... à propos du nucléaire, plutôt dans le cadre de l'association Vosges Alternative au Nucléaire, VAN. Voilà. Donc je suis membre du conseil d'administration donc de Vosges Alternative au Nucléaire et également membre du CA de Vosges Nature Environnement. Voilà. Je suis un heureux retraité qui a du temps pour me consacrer aux associations. En effet, et dis-moi, tu fais quoi au sein de... Alors tu m'as dit, tu es membre du CA au sein de l'association Vosges Alternatives au Nucléaire, c'est ça ? Oui. Et ça fait combien de temps que tu y es ? Depuis le début. Vosges Alternatives au Nucléaire a démarré en 2006 et on est en association, donc loi 1901, depuis 2008. Voilà. Donc depuis le début, j'y suis. Et Vosges Nature Environnement, donc c'est plus ancien. Et j'y suis depuis quasiment aussi une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui t'a fait entrer en fait dans ces associations en faveur de l'environnement, bien entendu ? Oh, ça remonte à très loin. En fait, je suis rentré dans les préoccupations sur l'environnement, on peut dire, il y a plus de 40 ans, 45 ans. En fait, j'ai terminé mes études en 1974 et déjà en 1975, donc on a démarré les groupes écologistes sur Épinal dans l'année scolaire 1974-1975 et tout de suite dans ces mêmes années-là, dans la problématique anti-nucléaire, il y avait le projet du lac de Pierre-Percé qui est un lac, moi j'appelle ça un lac nucléaire. Le lac de Pierre-Percé donc est aux confins nord-est du département des Vosges. Le maître d'œuvre de ce barrage, c'est EDF, avec comme objectif unique, c'est l'alimentation en eau pour refroidir la centrale nucléaire de Cattenom. Bon, accessoirement, donc, on y a développé du tourisme. Mais l'objectif premier, c'est donc l'alimentation en eau de la Moselle, hein, par l'intermédiaire de ses affluents, donc pour refroidir Cattenom. Voilà, donc depuis 1974-1975, je suis dans cette réflexion-là. Dans cette réflexion de militer contre le nucléaire, si j'ai bien compris, vu qu'en effet, le combat contre le nucléaire ne date pas d'hier. Je me souviens encore avoir reçu François, qui viendra tout à l'heure dans nos locaux, avoir dit qu'il a aussi milité contre l'ouverture de la centrale de Fessenheim, et plein d'autres encore. Mais toi, tu as toujours... alors, tu as dit tu es à Vosges... Alors, attends, Vosges Alternatives au Nucléaire depuis le début, c'est-à-dire oui. 2008, c'est ça ? Et est-ce que... Alors, avant de resituer Vosges Alternatives au Nucléaire, est-ce qu'on peut resituer aussi Vosges Nature Environnement dans son contexte, vu que environnement, c'est plus vaste que Alternatives au Nucléaire ? Oui, tout à fait, oui. Vosges Nature Environnement, c'est une association donc est agréée et qui est donc qui est référente au niveau du département, qui est représentée dans les structures départementales. On est présent dans des commissions donc à la préfecture où on est consulté en tant qu'association, au même titre que Oiseaux Nature et d'autres associations agréées comme ça, comme l'ASVPP, l'Association de sauvegarde de la prévention des pollutions. Ah oui, donc il y en a plein. Et là, c'est un petit peu en tant que Vosges Nature Environnement et en tant que Vosges Alternative au Nucléaire que tu es là ce soir, vu que en effet, il y a deux événements imminents, je le rappelle, les 14 et 16 juin, dans les Vosges. On va peut-être commencer par le début et par l'événement du 14 juin qui est une séance cinéma autour de Tchernobyl, c'est bien ça ? Voilà, donc on passe le film Tchernobyl, le monde d'après. Hein, donc c'est un film qui est de Marc Petitjean et Yves Lenoir. Yves Lenoir, c'est le président de l'association Les Enfants de Tchernobyl Bélarus. Alors je fais une toute petite présentation de l'association Les Enfants de Tchernobyl Bélarus, qui n'a rien à voir avec l'association Les Enfants de Tchernobyl alsacienne, qui accueille des enfants. Ce sont deux associations différentes, qui ne sont pas du tout concurrentes, on n'est pas sur les mêmes objets dans les statuts. L'association Les Enfants de Tchernobyl Bélarus, actuellement, donc, a comme objectif de financer l'Institut Belrad. Donc, c'est un institut qui est en Bélarus, en territoire bélarus, qui vient en aide aux populations et surtout aux enfants, qui a été créé directement suite à l'accident, enfin au début de l'accident de Tchernobyl, hein, en avril de 1986, et par Vassili Nesterenko, entre autres. Voilà. Tchernobyl, le monde d'après, c'est une réponse à un documentaire qui a été présenté par Arte, donc il y a environ 2 ans, et qui disait que tout allait bien à Tchernobyl. Donc ce film-là, Tchernobyl, le monde d'après, c'est une réponse à ce documentaire-là. Et donc, il montre bien que, ben non, tout ne va pas si bien que ça sur Tchernobyl. Hein, donc à Tchernobyl, les territoires contaminés de Tchernobyl, ça représente à peu près un quart ou un cinquième du territoire français. Voilà. Donc oui, si on a énorme. Un ordre d'idée, parce qu'on se dit, bon, ça ne nous concerne pas, c'est loin, c'est terminé. Et en fait, quand on regarde bien, et comme je suis effectivement membre d'autres associations, donc entre autres cette association des enfants de Tchernobyl d'Alsace qui accueille des enfants, et là, quand on accueille les enfants, donc une centaine d'enfants ukrainiens qui viennent en juillet, puis une centaine d'enfants russes qui viennent en août. Donc moi, je suis famille d'accueil d'un enfant russe. Voilà. Mais donc, à chaque fois qu'ils viennent, on mesure le taux de césium-137 qui est dans l'organisme des enfants à l'aller et au retour. Tous les enfants qui arrivent donc, dans ce cadre-là sont tous contaminés. Ce sont des enfants qui sont nés largement bien après 1986, bien après le début de la catastrophe. Donc, il y a l'enfant que j'accueille. Donc, il est né en 2006 et il est contaminé, comme tous les autres, avec du césium-137. Je rappelle simplement que le césium-137 est un élément qui n'existe pas dans la nature, mais qui existe depuis que l'homme bricole dans la chose nucléaire. C'est comme ça que je dis. Oui, bien sûr, tu fais bien de le rappeler. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur cet accueil d'enfants... Ukrainien, donc tu accueilles un Ukrainien, c'est non, ça ? Non, russe. Un russe, excuse-moi. Un russe, et tu l'accueilles au mois d'août, c'est ça ? Oui. Ça fait combien de temps que tu accueilles cet enfant ? C'est la sixième année. Alors, les enfants russes, ils viennent de la ville de Novosibkov, donc forcément en Russie, puisque c'est un enfant russe, donc qui est à l'extrême ouest de la Russie, tout près de la frontière du Bélarus. Cette ville de Novosibkov, c'est une ville de 40 000 habitants. Ils appellent ça une ville rurale, donc très étalée. Elle est à plus de 200 km au nord de Tchernobyl. 200 km, c'est la distance à peu près, à quelques dizaines de kilomètres près, qu'on a avec Katnom ici, d'accord ? D'accord. Et donc, ce sont des territoires qui sont contaminés autant que les territoires proches de Tchernobyl. Voilà. Et même ces territoires hautement contaminés sont occupés, si j'ai bien compris. Dans les territoires contaminés, vivent plusieurs millions de personnes Donc en Bélarus, ça doit être 5 millions. Et au total des territoires contaminés, il y a peut-être 9 millions de personnes qui vivent, dont forcément beaucoup, beaucoup d'enfants qui vivent en territoire contaminé. Et donc, parmi ces enfants, il y a des enfants qui sont pris en charge par des associations pour aller en France un mois. Et donc, tu accueilles cet enfant qui vient d'une ville russe, tu dis, ça fait 6 ans. Est-ce que tu sais pour quelles raisons, même si, enfin moi ça me semble extrêmement intéressant, mais pour quelles raisons en fait ces enfants viennent ici ? Les enfants qui viennent en France, qui sont accueillis donc, par l'association Les Enfants de Tchernobyl, déjà il faut rappeler que la Russie, le Bélarus et l'Ukraine, ce sont des territoires pauvres. La Russie ne fait pas partie des pays riches. Et puis de toute façon, l'extrême ouest de la Russie est un territoire pauvre. En plus, les enfants qui sont accueillis, ils sont... Ils sont issus de familles pauvres en plus. Donc ils cumulent tous les handicaps, si on peut dire comme ça. Et pourquoi ils viennent ? Déjà, ça leur permet déjà de voir un autre mode de vie. Oui. Mais ça leur permet donc, effectivement, pendant cette période, c'est 3 semaines qu'ils viennent, c'est pas un mois. Ils viennent pendant 3 semaines. Et dans cette période-là où ils viennent, le taux de césium, puisqu'on le mesure donc à l'aller et au retour, en moyenne, c'est une moyenne, ils perdent 30% de césium 137. Donc ce qui est très important, le césium 137, c'est un radionucléide qui se fixe sur les muscles, entre autres sur le cœur, puisque le cœur est un muscle. Et on observe là-bas, donc dans ces territoires contaminés, beaucoup d'enfants qui ont des insuffisances cardiaques, par exemple. Sans parler du strontium 90, donc qui est un autre radionucléide, donc qui lui se fixe en lieu et place du calcium, donc sur les os. Donc on ne mesure pas le taux de strontium 90 parce que c'est compliqué, il faut faire un prélèvement d'os. Bon, on mesure le césium 137. Alors, un petit rappel technique, le césium 137 comme le strontium 90 ont une périodicité donc de 29 et 30 ans, donc à peu près équivalent. Donc la périodicité, c'est un temps au bout duquel les éléments sont 2 fois moins radioactifs. Donc depuis 1986, en 2016, il y a 2 fois moins d'éléments radioactifs en ce qui concerne le césium 137 et le strontium 90. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il y en a encore la moitié, et ainsi de suite. Donc si on veut considérer que des éléments des radionucléides, comme le strontium 90 ou le césium 137, si on veut considérer qu'ils soient quasiment négligeables, on prend 10 périodes. Donc ça fait 300 ans. Ah oui, donc c'est très long pour rattraper un petit peu les bêtises de l'humanité qui ont un énorme impact sur tous ces gens et sur la planète aussi. Cette catastrophe qui a eu lieu le 20 avril 1986. 26. Le 26, ah oui, j'étais à 6 jours près, hein. J'étais pas loin, mais après tout j'étais pas née non plus. Donc, comme tu le disais, le 14 juin aura lieu au Ciné Palace à Épinal une projection sur la situation de Tchernobyl. Voilà, donc avec la présence de Yves Lenoir, donc le président de l'association Les Enfants de Tchernobyl, Bélarus. Voilà. Alors, petite présentation de l'Institut Belrad, qui est donc un institut qui a été créé donc sous l'ère soviétique en 86 par Vassili Nesterenko. Vassili Nesterenko, à l'époque, c'était, moi j'appelle ça un haut dignitaire du nucléaire soviétique. C'était un responsable, il était responsable de la création des centrales nucléaires mobiles. En 1986, on est toujours en guerre froide. Pour envoyer des missiles sur l'Europe ou sur les États-Unis, il faut beaucoup d'énergie pour envoyer des missiles. Donc, les Soviétiques avaient mis au point, donc, entre autres Vassili Nesterenko, des centrales nucléaires mobiles. Puisque, étant mobiles, elles sont moins détectables par les satellites américains. Voilà. Et donc, quand Tchernobyl explose, en fait,

arrière au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Et c'était plus rien, c'était les Cowboys Fringants. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107FM. Et vous pouvez toujours, comme d'habitude, réagir à l'émission en nous envoyant un petit message sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous passant un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Je vous invite vivement à réagir à l'émission, vu qu'après tout, le thème est un thème, c'est un sujet, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, ça fait longtemps qu'on se bat contre, même au sein de Radio Guémozo. Je parle bien entendu de nucléaire, de méfaits du nucléaire. Hein. On a parlé juste avant assez largement de la situation de Tchernobyl qui, je pense, mériterait une émission, au moins une émission à elle seule. Hein. Après tout, ça fait plus de 30 ans maintenant que la centrale a explosé, du moins le quatrième réacteur, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui encore, hein, la population aux alentours paie les pots cassés. Et voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus pour montrer à quel point le nucléaire est dangereux et néfaste. Et c'est pour ça que j'ai toujours mon invité Jean-Luc Tonnerieux qui est là, hein, de à la fois Vosges Nature Environnement et Vosges Alternatives au Nucléaire, qu'il est là pour nous en parler. Tu nous as parlé juste avant, tu nous as témoigné un petit peu de ta rencontre avec le jeune russe que tu reçois chaque été au mois d'août. Tu nous as aussi parlé de à quel point la situation est catastrophique là-bas, dans l'Est de l'Europe, et aussi bien entendu, si tu as parlé de ça, c'est pour annoncer un événement qui a lieu qui va arriver le 14 juin au Ciné Palace à Épinal. On va peut-être revenir rapidement dessus. Donc, comme tu l'as dit, c'est le film s'intitule Le Monde d'après, un film de Marc Petitjean et Yves Lenoir. Donc, ce sera le 14 juin au Ciné Palace à Épinal à 20h. Et c'est un petit peu en réponse, comme tu l'as dit, au documentaire d'Arte qui semblait être beaucoup plus optimiste que ça. Et peut-être même moins réaliste, il faut le dire. Donc cette séance, elle est ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il y a un tarif d'entrée ? Oh, le prix de l'entrée du cinéma, je ne sais pas, c'est le prix normal du cinéma. Il y a pas de... C'est dans le cadre de la boîte à films, mais c'est le prix des places de cinéma normal, hein, je pense. Ah, donc environ 7 euros, ce qui est tout à fait raisonnable. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, mais on la rappellera encore avant la fin de l'émission, pour cette séance de cinéma, hein, le 14 juin. Et bon, je me le noterai pour le rappeler encore une fois plus tard à l'antenne. Mais si tu es là aussi, c'est pour une autre situation préoccupante. Alors Tchernobyl, hein, c'est pas très loin, je crois que c'est environ 3500 km d'ici. En 86, il me semble que le Rhin avait pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, autant dire que ça a un impact jusque chez nous. Mais il y a un autre, une autre catastrophe qui risque d'arriver, autre chose de plus dangereux et de plus près. Il s'agit, si je ne m'abuse, de la situation de Bure, et tu es là pour nous en parler aussi. Donc la situation à Bure. Donc effectivement, donc le 16 juin, donc deux jours après, donc le samedi, il y a un grand rassemblement donc à Bar-le-Duc, donc en Meuse, donc exprimer notre désarroi par rapport à ce projet, donc ce CIGEO Bure, projet de la succession des gouvernements qui nous gouvernent, qui sont au pouvoir depuis plus d'une vingtaine d'années et qui veulent donc enfouir les déchets nucléaires. Donc, en grande profondeur. Donc, en termes de volume, c'est assez peu, c'est 1% des volumes. Ça représente quand même 85 000 tonnes, hein, de déchets. Mais ça représente quand même 99% de la radioactivité qu'il faut gérer. Donc, c'est dire que ces déchets radioactifs sont hautement radioactifs et à vie longue. À vie longue, donc, on parle en milliers d'années. Petite comparaison, si l'homme de Cro-Magnon avait enfoui des déchets nucléaires, à cette heure-ci, il faudrait qu'on s'en occupe, ou alors on aurait des territoires, donc des déserts radioactifs. Parce qu'en fait, en enfouissant ces déchets nucléaires à grande profondeur, l'idée c'est de confiner donc, ces déchets donc, en ce qui concerne la France, donc sous cette couche d'argile donc, saturée d'eau, donc à 500 mètres de profondeur, c'est de dire que quand la radioactivité arrivera en surface, parce qu'elle ne restera pas confinée, ça c'est certain, elle ne reste pas confinée dans les, dans les petites boîtes, donc bah, ça sera soi-disant plus radioactif. Mais là, on parle en milliers d'années. Bien entendu, on parle en milliers d'années et j'ai fait un petit tour, vu qu'après tout, Vosges Nature Environnement a un site internet, c'est www.vne88.fr, que je rappellerai encore une fois en fin d'émission, comme j'ai l'habitude de le faire. Et en faisant un petit tour, hein, j'ai vu qu'il y avait un article justement sur la situation de Cigéo et de Bure, hein, bien entendu. Et si j'ai bien lu, ça fait quand même 25 ans que la population montre son désaccord et malgré ces 25 ans, le projet continue d'avancer. Oui, le projet continue d'avancer contre vents et marées. Il y a eu plusieurs projets au tout début, donc avant de ce choix sur Bure, mais en fait, sur les différents endroits où, donc je crois que c'est dans le Gard ou dans le Maine-et-Loire, dans deux, trois endroits en France, il y a eu des tentatives donc, de la part des pouvoirs publics de mettre ce laboratoire. À l'origine, c'est un laboratoire de recherche. Mais il y a eu une opposition locale très ferme, immédiatement, et du coup, ben, les pouvoirs publics se sont repliés et ont plié armes et bagages. Et finalement, ils ont atterri à Bure. Bure, c'est un territoire où il y a 5 habitants au kilomètre carré. Très, très peu d'habitants. On ne va pas dire que c'est des zones désertiques, mais il y a très peu d'habitants. La Meuse comme la Haute-Marne, ce ne sont pas des aires démographiques, c'est ça ? Ouais. La Meuse est grosso modo deux fois moins peuplée que le département des Vosges, sachant que déjà nous on n'est pas beaucoup peuplé. Non. Hein? Donc c'est dire. Et donc il n'y a pas eu d'opposition. Il y a de l'opposition donc depuis 25 ans. Mais bon, ils ont réussi quand même à s'implanter là. Alors moi, ce qui me chagrine, c'est en fait c'était un laboratoire de recherche et on aurait pu imaginer qu'il y ait deux, trois sites, hein, et puis qu'ils choisissent le site géologique le meilleur. Mais en fait, ils n'ont rien choisi du tout, puisque de toute façon, ils sont restés que à Bure. Et donc, ils nous ont expliqué que les 500 mètres d'argile donc, allaient donc confiner cette radioactivité. Et en fait, il s'avère, donc, ça c'est une étude qui a été faite par Bertrand Tuillier. Donc ça, vous pouvez regarder donc, sur les YouTube, Bertrand Tuillier qui a travaillé sur les documents de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'Agence donc, nationale de gestion des déchets radioactifs. Et en travaillant sur ces dossiers de l'ANDRA, donc, Bertrand Tuillier arrive à des conclusions assez surprenantes. Et donc, par exemple, les déchets donc, qui sont donc mis dans des cylindres, donc ils montent en température, certes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argile est saturée d'eau. Hein, donc moi je compare toujours à l'organisme humain, il y a 80% d'eau et ça ne ruisselle pas. Donc on est plein d'eau aussi. Donc cette argile qui est au-dessus donc, des déchets nucléaires, donc saturée d'eau, et en fait il se passe une réaction chimique, mais ça c'est les documents de l'ANDRA qui le disent, hein. Il se passe une réaction chimique, donc, dû à la radioactivité et avec l'eau qui est dans l'argile, d'où un dégagement d'hydrogène. Alors ce dégagement d'hydrogène, on sait que l'hydrogène est très inflammable et explosif à 4% de concentration dans l'air. Et donc pour éviter donc, ce risque de concentration d'hydrogène, il y a une solution, c'est de ventiler. Alors, effectivement, on nous a expliqué qu'au début, mais oui, on a mis ça sous une couche d'argile de 500 mètres d'épaisseur parce que c'est étanche. Alors, on m'explique, si c'est étanche, pourquoi on ventile ? Si on ventile, c'est plus étanche. Alors, là, cette ventilation, alors ce sont cet hydrogène, avec des éléments autres radioactifs, va être évacué par deux énormes cheminées de 11 mètres de diamètre chacune. Et ces deux cheminées, justement, sont prévues d'être mises dans la forêt de Mandres-en-Barrois. Mandres-en-Barrois, on en a entendu beaucoup parler, c'est la fameuse forêt du bois Le Juc. Hein. Donc c'est dans cette forêt-là donc, que devraient être percées donc, ces deux grosses cheminées. Donc là ça vaut ce pesant de cacahuètes, cette histoire de la forêt Le Juc. Parce que donc l'Andra donc, veut acquérir cette forêt. Donc il faut donc une délibération du conseil municipal de Mandres-en-Barrois. Conseil municipal qui se réunit un matin en 2015, je crois, en juillet 2015, à 6h du matin. Un conseil municipal qui se réunit à 6h du matin. C'est quelque part un peu étrange. Parce que d'habitude, les conseils municipaux, ça a des horaires un peu normaux, oui, enfin, genre 20h. Oui, plutôt le soir. Hein. Et là, la population n'a pas été prévenue. Or, un conseil municipal, quand il se réunit, la population doit être prévenue au moins 48 heures à l'avance. Et donc là, ils prennent une délibération donc, de cession ou d'échange de leur forêt donc, au profit donc, de l'Andra. Cette décision-là, cette délibération-là a été attaquée au tribunal administratif, lequel tribunal administratif nous a donné raison, finalement, 2 ans plus tard. Hein. Je reviendrai après là-dessus. Donc, l'Andra considère qu'ils ont cette forêt-là et ils commencent à défricher. Donc c'est une forêt de 200 hectares et ils commencent à défricher. Mais pour défricher une forêt, en fait, supérieure à 25 hectares, eh ben, il faut respecter le code forestier. Donc on est toujours dans du législatif. Et là, il n'y a pas eu donc, de demande de défrichement. L'Andra n'a pas respecté le code forestier. Donc c'est encore une décision qui a été attaquée au tribunal administratif. Et puis comme il y avait des gens dans le coin qui venaient les enquiquiner, donc l'Andra a construit un mur de 2 km de long pour se protéger des empêcheurs de tourner en rond, donc des antinucléaires. Mais quand on construit un mur, il faut un permis de construire. Donc, troisième action totalement illégale de la part de l'Andra, qui est une agence quand même de l'État. Hein. Donc, permis de construire, il n'y en a pas. Alors, donc, ces décisions-là ont été retoquées par le tribunal administratif. Donc, je reviens donc à la session donc, de la première délibération, donc, qui avait été donc retoquée par le tribunal administratif. Et le tribunal administratif a donné 6 mois au conseil municipal pour reprendre une nouvelle délibération, laquelle nouvelle délibération a été reprise. Et il y a eu un vote qui a été fait dans les règles et qui a donc donné faveur donc, pour la cession à l'Andra. Sauf que dans les gens qui sont au conseil municipal, la majorité des conseils municipaux, ou une grande partie en tout cas, sont en contact avec l'Andra. Soit ils travaillent à l'Andra, soit ils louent à l'Andra des terres agricoles. Donc il y a conflit d'intérêts. Donc c'est encore une décision qui a été attaquée au tribunal administratif. On n'a toujours pas eu de réponse. Alors l'Andra n'est absolument pas propriétaire de cette forêt. Il faut bien le comprendre. Oui. Ensuite, pour le mur qu'ils ont construit et qu'ils n'avaient pas le droit, enfin, ou pour le défrichage, je veux dire, je reviens au défrichement de la forêt, et bien donc, ils sont, donc, le tribunal administratif leur a demandé à l'Andra de replanter les arbres. Voilà. Donc, c'est complètement faux. Et quand il y a eu des manifestations, entre autres, la fameuse manifestation donc, de reprise du bois Le Juc, donc une manifestation d'antinucléaire, j'y suis allé, et en fait, il y a des vigiles, donc de l'Andra, donc des vigiles, ce ne sont pas des CRS, ce ne sont pas des gendarmes mobiles, c'est de la police privée de l'Andra, et qui a fait usage de violence. Ils sont casqués et harnachés comme les gendarmes mobiles. Bon, on les voit parce qu'ils n'ont pas le même déguisement, mais ils sont. Et donc, ils cognent. Or, les vigiles, dans leur fonction, n'ont pas le droit de cogner. Quatrième infraction de la part de l'ANDRA. Oui. Donc ça en fait beaucoup, toutes ces infractions. Et puis bon, j'imagine que ça donne aussi de l'eau au moulin aux antinucléaires pour continuer à se battre, continuer à dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez libérer la forêt et libérer la nature. Et c'est le titre un petit peu de la suivante, de la pause musicale suivante, Los Libertadores de Mikis Theodorakis. Bon, c'est un morceau qui fait presque 20 minutes, on ne va pas l'écouter en entier, on va passer un petit extrait et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. C'était Los Libertadores de Mikis Theodorakis, un extrait bien entendu, mais je vous invite à écouter le morceau en entier qui fait quand même 20 minutes. Et on est toujours là avec toi Jean-Luc pour parler de nucléaire. Alors on a parlé de la situation de Tchernobyl et on a parlé de la situation de Bure. Dans les deux cas, il est bien entendu question de nucléaire, et quand on parle de nucléaire et aussi de pression, de combat, de manifestation et de désaccord, il y a toujours quelque chose qui reste un petit peu en dessous dans l'histoire, je pense. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais moi, il me vient à l'esprit les lobbies et l'argent, bien entendu. Donc l'argent, il me semble, est une question très importante en ce qui concerne le nucléaire. L'argent, en ce qui concerne le nucléaire, cela fait donc 40 ans qu'on nous explique que l'énergie nucléaire est la moins chère de la planète. L'énergie nucléaire, elle n'est pas chère. Un industriel est responsable de ses déchets. Moi, professionnellement, j'avais une scierie, mais je suis responsable de mes déchets, comme tout industriel est responsable de ses déchets. EDF, qui fabrique de l'électricité nucléaire, est responsable de ses déchets, et du démantèlement des centrales nucléaires aussi, on pourrait y revenir. Comment on calcule le prix de gestion des déchets nucléaires, sachant que l'impact on le reconnaîtra dans plusieurs milliers d'années, quand on aura rendu des zones radioactives et désertiques. Donc, et tout ça, si ça va bien, sans accident. Alors, au démarrage, à un moment donné, l'ANDRA avait fait une estimation qui s'élevait à 34 milliards d'euros, chiffre que la Cour des comptes a trouvé franchement optimiste. Mais en réalité, les producteurs de déchets nucléaires, donc EDF, Areva et le CEA, essentiellement, donc on refait un calcul rapide et on est arrivé à 20 milliards d'euros. Bon. Et là-dessus, donc, Ségolène Royal, à l'époque où elle était ministre, elle a dit « Top là, hop, on transige à 25 milliards ». Donc, moi j'appelle ça du marchandage de tapis. Et franchement, le sujet serait pas si grave, on en rigolerait, quoi. Mais cette façon donc de calculer quelque chose d'incalculable, puisque de toute façon on ne sait pas la finalité en termes de dégâts, franchement c'est révélateur de l'incompétence de gestion de la chose nucléaire. Je continue de dire chose nucléaire parce que il y a tellement d'éléments dans cette chose nucléaire, parce qu'il faut toujours y adjoindre l'aspect du nucléaire militaire. Mais rien qu'en restant sur le nucléaire civil, on parle par exemple de notre chère centrale nucléaire EPR à Flamanville, que l'on construit donc, à Flamanville, et qui a une dizaine d'années de retard, dont le prix initial était de 3,5 milliards, qui à cette heure-ci donc est de plus de 10 milliards, et qui avoisine les 11 milliards, on a triplé le prix. Dernièrement, on vient d'apprendre que les soudures sont mal faites. EDF donc, a bien reconnu qu'il faut les reprendre, ces soudures-là. Il y a 150 soudures à reprendre, ce n'est pas des petites soudures. En fait, on va encore reculer de environ un an l'échéance. Bon, qui c'est qui paye ça ? Cette différence entre 3,5 milliards et quasiment 11 milliards, qui c'est qui le paye ? Où est-ce que c'est, là ? Par rapport au prix du courant électrique, pas cher. Le grand carénage, c'est pour les centrales nucléaires que l'on a prévues, qui devaient durer 30 ans, qui vont durer 40 ans, et donc on va faire des travaux c'est plus des travaux d'entretien, c'est de la sécurisation, c'est du rafistolage pour des centrales nucléaires dont on sait donc qu'il y a le risque. Et bien là, bon, ben c'est pareil, c'est ça aussi entre 20 et 50 ou 100 milliards. Quand est-ce que les gens comprendront que le prix du courant électrique nucléaire, il est absolument faux et il n'est pas du tout le moins cher du monde ? Oui, pas du tout, d'après ce qu'on a bien compris. Après tout, c'est le contribuable qui paye tout ça, j'imagine. D'ailleurs, j'imagine que j'avais même pas besoin de le dire, vu que ça allait de soi. Et c'est aussi pour ces raisons, entre autres, qu'il est important de manifester clairement son désaccord contre le nucléaire. Pour ceux qui ont envie de faire entendre leur voix, j'imagine, Jean-Luc, qu'il est possible d'adhérer à Vosges Alternatives au nucléaire, aux Vosges Nature Environnement, pour militer pour des causes qui tiennent au cœur des auditeurs, peut-être. Oui, oui. Ben, donc, pour adhérer à Vosges Nature Environnement, donc, il est possible, on tape sur le site dont tu avais dit tout à l'heure, hein, Vosges Nature Environnement, et sur Vosges Alternatives au nucléaire, on n'a pas de site internet. Bon, on a une adresse mail, hein, vosgesan@gmail.com. Voilà. Donc cette manifestation, donc on avait prévu d'organiser un bus et malheureusement on n'a pas beaucoup de monde pour remplir le bus. Ça m'attriste profondément. Donc on fera un covoiturage le samedi 16 juin. Hein. Donc on se retrouve donc à 8h au parc sur le parking du centre des congrès à 8h, centre des congrès à Épinal, à côté de la prison ou du CCV. Donc il y a de la place en général là sur ce parking et on organisera un covoiturage sur place, quoi. Un covoiturage pour se rendre à Bar-le-Duc pour l'événement que tu es aussi venu annoncer, donc pour le 16 juin, une journée contre la poubelle nucléaire. Donc est-ce que tu peux un petit peu dire quelles seront les grandes lignes de la journée ? Là, j'ai un blanc. Alors, il me semble, je vais ouvrir, vu que heureusement que j'ai mes ordinateurs sous la main, qu'il y a une première partie qui est réflexion. Sur une partie réflexion le matin, si j'ai bien compris, une discussion, et puis à l'après-midi, c'est plus poussé à agir. Bon, je ne peux pas en dire plus parce que, bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais pour une personne qui veut peut-être en savoir beaucoup plus sur la situation et pour comprendre vraiment le tout, c'est peut-être l'occasion d'aller là-bas. Et en plus, hein, pour faire plaisir à la planète, c'est possible de faire du covoiturage. Oui, on peut faire du covoiturage. Mais il y a un site, normalement. Non, ben je ne l'ai pas là-dessus. Sur Info 16 juin ou un truc comme ça. Sur Info 16 juin. Oui. Bon, VMC.com. VMC.com. VMC.com. VMC.com, QAND. C'est quand CAM. Alors, on essaiera de voir ça. Et en attendant, on va peut-être se passer la troisième et dernière pause musicale. Toujours un morceau des Cowboys Fringants. Un morceau cette fois intitulé 8 secondes. Bon, par contre, il ne va pas durer 8 secondes. Hein, il dure à peu près 4 minutes. Mais on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission sur Radio Gémozo. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains. Alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Un nouveau cancer qui nous ronge, ou qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise, et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des pinottes pour le produit, et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. Et on nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, les biens auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera au genre humain qui, à cause de la peur du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes 8 secondes. Encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pédo être mis à sac par des salauds qui se foutent la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'en bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à se Et c'était 8 secondes des Cowboys Fringants. Vous êtes de retour pour, sur Radio Gémozo 107 FM, pardon, je vais y arriver, pour la conclusion tout doucement de cette émission, vu qu'on est, toujours avec toi, Jean-Luc Tonnerieux, pour parler de nucléaire. On a parlé de la situation de Tchernobyl, on a parlé de la situation de Bure, on n'a pas parlé de Fukushima, mais ça c'est une... c'est même pas spécialement une autre histoire, mais je saurais à qui faire appel aussi, un spécialiste de la situation de Fukushima. Mais qui dit nucléaire aussi? Après tout, on a traversé une guerre froide et est-ce qu'on risque pas de retomber dedans à nouveau? Il s'agit bien entendu de la question du nucléaire militaire et il me semble que tu avais deux, trois choses à dire là-dessus. En ce qui concerne le nucléaire militaire, donc effectivement, donc on a en tête ce qui se passe en ce moment entre Trump, le président des États-Unis, et Kim Jong-un, donc le président donc de la Corée du Nord, donc et qui s'amuse donc qui s'amuse pas, mais c'est triste, à montrer leurs muscles. Ce qui est assez étrange, c'est que là, à partir de là, je parle plus en mon nom personnel qu'en nom de Vosges Alternative au Nucléaire. Je parle en mon nom. Kim Jong-un aurait environ une dizaine de petites bombes. Les États-Unis en ont plusieurs milliers de bombes. Les États-Unis ont théoriquement des missiles antimissiles. Donc, quand on leur envoie un missile, normalement, ils sont dans la capacité d'intercepter ce dit missile et donc d'être à l'abri. Alors, moi, je suis un peu étonné de voir que une telle colère de Trump, puisque, soi-disant, qu'il est donc sécurisé avec ses missiles antimissiles, qu'est-ce qu'il craint de la Corée du Nord? Et là où je veux en venir, par rapport à la Corée du Nord, certes, Kim Jong-un, c'est un personnage, comme on dirait, peu recommandable, puisque finalement, il a réussi à quand même fabriquer ses bombes nucléaires. Mais il y a deux poids, deux mesures de la part des pouvoirs, surtout américains. Est-ce qu'on entend les États-Unis dire quelque chose par rapport aux 80 environ têtes, 80 ou à 400 têtes nucléaires en Israël? Israël, donc, qui a donc la bombe atomique. Alors, très officiellement, Israël dit qu'ils n'ont rien. Mais il est connu, c'est connu par tout le monde et les experts mondiaux le disent. Donc il y a environ 80 têtes nucléaires. Et là, on dit rien. Bon, on passe ça sous silence totalement. Bon, je ne veux pas m'étendre sur ce que font les Israéliens dans les territoires de Gaza et territoires occupés. C'est pas strictement l'objet. Mais là, c'est deux poids deux mesures. Donc on menace donc la Corée du Nord donc de réduire en cendres ce pays. Alors là où je deviens un petit peu, où je suis plus énervé, c'est que cinq pays, donc les États-Unis, la Russie, à l'origine c'était l'URSS, donc les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la France et la Chine, donc je les ai dit dans l'ordre donc de leurs explosions nucléaires, donc ont un droit de veto. C'est le fameux Conseil de sécurité, ce droit de veto, donc qui permet donc d'empêcher toute décision donc du Conseil de sécurité. Mais pourquoi ces cinq pays ont droit de veto? C'est les cinq premiers pays qui ont eu la bombe atomique et qui ont donc droit de vie et de mort sur les autres et qui décident que les autres pays, que d'autres pays n'auraient pas le droit d'avoir la bombe atomique. Dans le cadre du traité de non-prolifération des armes atomiques, donc, qui a été donc, négocié dans les années 70, 73, 80, c'est un traité dont la France, que la France a également ratifié. Donc, on décide que les autres ont le droit ou pas. Puis on dit rien pour Israël. Bon, l'Inde et le Pakistan ont chacun aussi également entre 80 et 100 bombes chacun. Voilà. Donc on a nos 9 pays qui ont leurs bombes atomiques. Et on fait tout un scandale par rapport à l'Iran qui veut travailler également sur la bombe atomique éventuellement. Mais on dit toujours rien sur Israël. Enfin, moi, je suis franchement très, très énervé là-dessus. Et des fois, je me dis que Kim Jong-un, donc ce président donc de la Corée du Nord, quelque part, je ne veux pas dire que je lui donne raison, mais il a permis de mettre le doigt sur quelque chose qui est absolument dégoûtant, écœurant. Enfin, on peut mettre beaucoup d'adjectifs là-dessus, quoi. Oui, donc en effet, c'est une situation préoccupante que d'ailleurs, je vous invite, hein, auditeur, à écouter le poste mercredi, vu qu'après tout, je reçois le mouvement de la paix. Et c'est aussi un sujet qui sera à nouveau approfondi mercredi. D'ailleurs, je t'invite, alors si tu veux, à réagir à l'émission en direct mercredi ou à te joindre à nous ou simplement à nous écouter. Mais ça fait partie des sujets que l'on compte aborder, vu qu'après tout, hein, quand on parle de nucléaire militaire, on parle aussi de paix. C'est un petit peu tout un énorme engrenage, hein, qui peut rentrer ou dans un cercle vicieux ou dans un cercle vertueux, mais le but là, c'est d'entrer dans un cercle vertueux, d'ouvrir les yeux de la population sur la situation du nucléaire. Et encore une fois, je le rappelle, hein, le jeudi 14 juin au Ciné Palace, hein, la projection du film Tchernobyl, le monde d'après, en lien avec l'association La Boîte à Films. Et le samedi 16, hein, un rassemblement à Bar-le-Duc pour en savoir plus sur la situation de Bure, donc deux endroits touchés par la cause nucléaire. Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous pouvez bien entendu passer par la page Facebook Vosges Nature Environnement ou sinon sur le site internet. Voilà, suite à un petit bug, l'enregistrement ne s'est pas fait jusqu'au bout, donc je complète l'émission comme ça un petit peu en freestyle. Mais les informations complémentaires, donc le site internet de Vosges Nature Environnement, c'est www.vne.fr. Et pour les contacter, c'est association@vne88.fr. Et la page ou le site internet dont on vous a parlé avant pour avoir plus d'informations sur l'événement à Bar-le-Duc, c'est vmc.com. Il suffit de taper ça sur votre moteur de recherche et ça va assez aisément tout seul. Voilà, ça c'est je vais y arriver vu que je suis en train de faire plein de trucs en même temps. Voilà, ça c'est pour l'émission et pour les informations dont vous avez besoin. Et avant qu'on se dise au revoir, bien entendu, je le fais comme d'habitude, hein, la programmation de la soirée. Donc, à partir de 20h, on retrouve François pour le calendrier des esclavages et des libérations. Et l'émission suivante, c'est la rediffusion de l'émission que vous venez d'entendre à l'instant. Donc, de 7h à 8h, toujours, bah, comme vous le savez, sur le nucléaire. Et on retrouvera ensuite Marion pour sa matinale à 8h30. On se retrouvera demain soir pour parler de littérature avec les éditions Parfum de Nuit. Et oui, à Radio Guémozon, on touche beaucoup de sujets entre l'environnement, le nucléaire, la culture et la solidarité aux étrangers. Mais ça, vous verrez ça pour plus tard dans la semaine. Même s'il n'est plus là, hein, je remercie beaucoup Jean-Luc, de son intervention dans mon micro. Et je remercie aussi les auditeurs, hein, de nous écouter si fidèlement. Et de vos retours, hein, vous en faites pas. Les quelques retours que vous me faites, je les reçois, je les lis, ils me vont droit au cœur. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Donc je rappelle, hein, si vous voulez une continuité avec l'émission de ce soir, on se retrouve mercredi avec le mouvement de la paix. Et bien sûr, on parlera de la situation du nucléaire avec Pierre-Olivier Poyard. Encore une fois, hein, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Jean-Luc. Et on se retrouve hein, demain, même heure, sur Radio Gémozo. Bonne soirée à tous. We'll be right back.